J'arrête d'être jamais déjà mal, franchement maintenant ça y est, c'est fini. J'arrête. Mon pif, c'était vachement bien. Ça fout les boules quand bien même. Je voudrais faire autrement. Quoi que je pourrais. Ne pas si trop vivre décemment. J'aime être sympa et gentil, non. Ouais, je suis un connard qui a mal et qui se plaint. C'est l'heure de partir. Addict. Thank you. Thank you. Thank you.